Chapitre 8. Les rêves se heurtent. Le soir, à la cure, ni l'abbé Kerbiriou, ni même Manaïque, ne purent obtenir autre chose de Lemarec que de rares monosyllabes en réponse à leurs questions, que des paroles comme arrachées une à une et que le jeune homme paraissait jeter au hasard pour ne pas rester complètement muet. Le repas, d'habitude bruyant, animé par son exubérante gaieté, se traîna languissant, sans tapage, si différent des précédents soupers que le curé songea pensif. « Il a quelque chose, le garçon. Qu'a-t-il pu faire aujourd'hui pour être aussi transformé ?» Et la vieille servante, très étonnée, questionna sans gêne, les poings aux hanches, en plein milieu du service. « Pour sûr, mon fils, que t'auras perdu ta langue en courant trop fort par la lande. Ça devait arriver, je veux bien, mais c'est pas naturel. » Denis les laissa questionner, s'interroger, la pensée rivée sur cette même idée comme à une révélation toute neuve, absolument inattendue. « J'aime d'amour Faïk Goalen. D'amour. » Jusque-là, le Marek n'avait jamais bien sérieusement regardé dans son cœur. Sa vie aventureuse à l'étranger, loin de la terre d'origine, ses escales dans les ports les plus turbulents de l'ancien et du nouveau monde, ses débarquements rapides sur un point ou sur un autre, au hasard des voyages, l'avaient habitué à une grande facilité de mœurs, à des satisfactions superficielles et hâtives, où le cœur n'avait aucune part. Mais au milieu des siens, à Camaret, il redevenait aussitôt l'honnête et loyal garçon d'autrefois, retrouvant sa droiture, sa fierté de sentiment, l'honneur intègre et farouche du pays. Sa conversation avec Hervé Morvan l'avait profondément troublé. Depuis son retour, il s'était laissé vivre en une complète inconscience, sentant bien que, malgré lui, en dehors de toute volonté, un certain instinct le poussait vers les habitants du Cap de la Chèvre, que le souvenir de cette jeune fille, si étrangement sauvée par lui, ne cessait plus de le poursuivre et que, à tout instant, son visage se replaçait devant ses yeux. Mais il n'avait à aucun moment cherché à s'expliquer pourquoi, ne le pouvant peut-être pas. Voilà que le décisif aveu, cet aveu qu'il n'avait encore fait à personne, cet aveu qu'il ne s'était pas fait à lui-même, même tout bas, Hervé Morvan venait de le lui faire jaillir du plus profond du cœur, du plus intime de l'être, en un cri qui était l'explosion visible de son amour, quand ce nom adoré s'était envolé de ses lèvres, pour ainsi dire sans qu'il le sût, sans qu'il pût le retenir. Faïk, Faïk Goalen. Il éprouvait une douceur étrange à le prononcer à nouveau, sans se lasser, à en sentir glisser sur sa bouche les syllabes, comme une liqueur délicieuse, dont l'enivrement lui montait de plus en plus captivant au cerveau, le prenant peu à peu, le livrant à celle qui était si inopinément devenue tout pour lui. Pendant ce temps, il ne voyait plus rien. Il n'entendait plus rien de ce qui se faisait ou se disait autour de lui. Tandis qu'il rêvassait ainsi, son oncle l'examinait quelques instants, une ride de réflexion creusée entre les sourcils, puis se remettait paisiblement à manger et, souriant doucement, marmottait à mi-voix. « Une vraie mine d'amoureux aujourd'hui. Est-ce que ça commencerait à venir ? Depuis plus d'un mois qu'il est de retour, il y avait de quoi désespérer, à le voir toujours le même, toujours aussi calme. Mais il songeait plus grave. Pourtant, comme cela, si subitement, et, finissant par conclure, se rassurant, « Bah, il l'aura rencontré, ils se seront expliqués gentiment, comme cela aurait pu arriver 20 fois, et voilà !» Il se frotta lentement les mains, regardant en dessous le jeune homme qui baissait de plus en plus le nez dans son assiette. Pourrais-tu me dire à quoi tu songes ou à qui tu penses en ce moment, hé garçon ? Il se décidait à l'interroger tout droit, hardiment, une jovialité en fleurs sur ses fortes lèvres, voulant l'amener à l'aveu désiré. Denis eut un soubresaut, un balbutiement haché. « Mais, à rien du tout, mon oncle, à notre chasse manquée, ce coquin de renard, à un tas de choses sans importance. »« Ouais, et c'est ce qui te donne cette physionomie si grave, en absolu désaccord avec tes habitudes. Tu ne me feras pas croire cela. » L'autre protestait, se défendant. « Je vous assure, » Pierre Kerbiriou insista. « Quand je vous affirme, et ce quelqu'un, eh bien, veux-tu que je te dise ?» Il n'avait nullement l'air fâché, montrant plutôt au contraire comme un rayon d'avant-sourire dans tous ses traits largement épanouis. Le Marek en fut si stupéfait, si agréablement surpris, trouvant à cette interpellation soudaine comme un air de parenté avec celle d'Hervé, qu'il faillit avouer, crier tout haut ainsi que là-bas, à la pointe des poids, « Faïk Goalen !» L'abbé ne lui en laissa pas le temps et, reprenant un ton plus posé, presque mystérieux, « Elle est bien jolie, cette reine Balanec, hein ? Avoue que tu es de mon avis !» Tour à tour très rouge, puis très pâle, dans la terreur du secret qu'il avait manqué laisser échapper, le jeune homme sourit péniblement en murmurant « Dame, elle passe pour la plus jolie de Camaret. » Kerbiriou heurta du poing la table si fort que toutes les assiettes dansèrent et que les verres se choquèrent. « Certes, oui, la plus jolie et la meilleure et la plus honnête et la plus... Ah bien, qu'on en trouve seulement une autre dans tout le pays, dans toute la presqu'île, même jusqu'à Châteaulin et jusqu'à Brest, quand on voudrait fouiller commune par commune. Une ménagère comme on n'en voit plus. C'est elle qui fait marcher toute la maison de son père, qui élève ses frères et sœurs, qui veille à tout, remplaçant sa mère défunte. Balanec me le disait encore hier, une véritable petite sainte, monsieur le recteur. Et ce qui ne gâte rien, la beauté. Ah, tu la verras à la procession, pour cette croix de mission qui se prépare et va bientôt avoir lieu ici. Tu pourras l'admirer au milieu de toutes les autres portant la bannière de la Vierge. Elle est bien la reine de ses compagnes, comme elle en a le nom, et jamais nom ne fut mieux mérité, ne fut plus justement plus noblement porté. Pour cela, c'est bien vrai, souligna le neveu, qui avait eu le temps de se remettre un peu de l'attaque qu'il venait de subir. L'oncle s'attendrissait. Quand je songe qu'autrefois vous étiez toujours ensemble, on ne pouvait vous arracher l'un à l'autre sans amener des larmes, des protestations. Ah, si on vous avait écouté, vous ne vous seriez jamais quitté. Ta petite amie d'enfance, dire qu'elle est ta camarade, cette fière jolie fille que tous admirent aujourd'hui et qui fera une si brave femme. Il s'arrêta. Soit que l'émotion lui coupa réellement la parole, soit qu'il ne voulut pas pousser les choses plus loin, dans l'espoir que le jeune homme céderait de lui-même à cette demi-invitation aux confidences, à l'aveu qu'il attendait. Mais celui-ci, sans cesser de sourire, tout en approuvant du geste et de la tête tout ce qu'il entendait, conservait sa même réserve, restant en quelque sorte sur la défensive. Jamais il ne s'était trouvé plus gêné, plus embarrassé qu'en ce moment, en présence des avances parfaitement claires que venait de lui faire son oncle. La lumière projetée par son aveu à Hervé Morvan s'étendait, gagnait du terrain, éclairant nettement tout ce qu'il n'avait pas vu ou pas voulu voir jusqu'à ce moment. Il lui sembla que ses yeux, fermés obstinément depuis son retour, venaient seulement de s'ouvrir et que, brusquement, il voyait, il comprenait ce qui se passait, ce qui, depuis le premier jour, s'était passé autour de lui. Certes, aucune parole irrévocable n'avait été prononcée, aucune proposition directe ne lui avait été faite, aucun engagement d'honneur n'avait été pris, mais sa conversation avec Hervé Morvan suivie de si près des insinuations affectueuses de Pierre Kerbiriou, avait eu le pouvoir de dissiper soudain toute cette brume qui l'aveuglait. Il venait de comprendre de quel cercle, chaque jour plus étroit, Balanec, si aimable avec lui, l'enveloppait. Il devinait à quoi tendaient certaines phrases de son oncle, certains mots jetés dans la conversation journalière auxquels, jusqu'alors, il n'avait attaché aucune importance. Ce fut l'éclair dans la nuit de son cœur. On voulait lui faire épouser Reine Balanec. Il ne l'avait pas vue, pas remarquée dans l'aveuglement de sa passion non avouée pour Geneviève Goalen, dans la douce paresse de son existence facile. Mais voilà que, devenu plus perspicace, il voyait plus loin encore, qu'il sentait une complicité latente de tout le pays pour le pousser à ce résultat, pour amener peu à peu ce dénouement. Toute cette sympathie qui était autour de lui dans Camaret, qui faisait que chacun aimait à lui tenir société, à se promener avec lui, le conduisait insensiblement à ce mariage avec Reine Balanec, la plus jolie fille du pays, comme il en était le héros, le fils choyé et préféré. En effet, un intérêt tout particulier s'attachait au jeune homme, sortait de lui comme une lumière qui attirait les curiosités, faisant papillonner sur lui les regards des hommes, les prunelles étonnées et charmées des femmes. Il avait souffert des choses que ces pêcheurs, même dans la misère de leur vie quotidienne, n'avaient pas souffertes. Il avait vu des choses que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vues. Ces 3 jours de faim et de soif passés en mer, après le naufrage de la Dorade, lors de son voyage au Congo, dépassaient leurs rudes angoisses de pêcheurs, pris dans les coups de nos rois ou de surrois, ou traînant leurs filets dans la grosse fatigue des mers d'hiver, des Atlantiques démontés d'Ouessant, de Molène ou du Raz. Il apportait avec lui le mystère émotionnant de souffrances inconnues, inéprouvées, et qui était une notation nouvelle dans la souffrance physique des humains de ces côtes douloureuses. Puis, de tout cela, il ne tirait aucun orgueil, aucune vantardise, se montrant aussi simple, aussi affectueux avec tous ses humbles, ses amis et ses frères. Il avait fait cela, il avait enduré ceci, mais il savait bien, et ne manquait jamais de le reconnaître, à l'occasion, que tous, en même circonstance, l'eussent fait ou enduré de la même manière. Aucun ne protestait, sachant bien qu'il avait raison, n'y mettant pas de fausse modestie, et, dans le fond des cœurs, on l'aimait d'être ainsi, d'être comme tous étaient à Camaret. Là-bas, au bout de l'Armorique, jamais d'inutiles et amphigouriques déclamations contre l'imminence de la mort, que tous côtoient à chaque heure de leur vie, que tous attendent chaque jour comme une chose habituelle, naturelle, forcée. C'est le fanatisme résigné et presque placide de ces existences qui s'écoulent entre le petit cimetière de la côte et la grande tombe mouvante qui les berce depuis leur enfance. Tous ont eu cette accoutumance de la mort et ne la redoutent pas. Quelque temps encore, l'abbé contempla son neveu, les yeux presque humides de l'émotion qui lui faisait battre le cœur. Plongé dans le rêve de bonheur qu'il caressait et faisait miroiter depuis si longtemps devant lui et qui lui paraissait à la veille de se réaliser. Quand le jeune homme vint lui serrer la main avant de regagner sa chambre, il lui retint quelques instants les doigts enfermés entre les siens en hochant doucement la tête d'un air satisfait, puis, le laissant aller, « Bonsoir, garçon. Si tu m'en crois, tu feras de beaux rêves cette nuit. » Le Marek s'éloigna sans répondre, un sourire énigmatique aux lèvres, le cœur et les yeux pris par une vision qui n'était pas la même que celle évoquée et désiré par son oncle.